Synth from Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcuset 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylvain. Eh bien, bonsoir Monsieur Scream. Bonsoir Slasher. Bonsoir Scream, bonsoir Hello, Slasher. En Hello, forme. Ah ouais, super. T'as vu la tronche du Slasher? Il doit recommencer demain. C'est il a l'air enchanté. Ah oui, il a l'air enchanté. Mais c'est pour que tu deviennes plus intelligent, mon ami. Il y a encore du travail, mais enfin. Voilà, et nous, bon, la reprise. Hein. Eh oui, toi, c'est déjà depuis longtemps. Quelques temps, et moi, aujourd'hui, j'ai repris. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on programme des nouveautés. Tu vas nous présenter des produits aussi, enfin des produits, des titres. Mm-hmm. Et aussi, donc, il y aura encore des concours. On remercie tonton Roger de nous avoir envoyé des galettes. On vous dira aussi le vainqueur pour Icarus Rising. D'accord. Et aussi, on remercie tonton Roger de nous avoir envoyé des galettes compilation AFM Record qui sont ouais, là. Ça, c'est génial, hein, ouais. Compilation ouais. AFM Record. À gagner. À gagner, exactement. À gagner. Et tout ça, bien entendu, sur RQC 95 FM. Et aux alentours de 20h15, Bull Run vont nous téléphoner oui, pour super. Une interview phoneur. Génial, ça. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On fait un petit coucou à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Déjà, et coucou oui. Agnès. Et salut. Qui nous regardent. Voilà. On va commencer avec Glass Mine, avec Do de Candiero. Voilà, alors vous paniquez pas, hein. On avait prévu normalement de faire un spécial REMS, mais on attend toujours de voir les accréditations qui ne sont pas encore tombées pour tout le monde apparemment. On les attend incessamment sous peu. Ouh, joli. Ouais, je te suis, qu'est-ce que tu crois? Allez, c'est parti, c'est pas mal, c'est nouveau, c'est tout frais, et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Ah, une bonne petite claque quand ouais, même, c'est un bien truc. Ça. Ouais. Ouais, du très technique. Hein. Et c'est un peu pour débuter un peu un instrumental, ça change un petit peu. Hein. Ouais, j'adore moi. C'est bien. Hein. Ben, comme j'aime bien la guitare, moi en plus, donc voilà. C'est du prog en même temps, ouais. Un peu stivalien. Ouais. C'est bien. C'était Glass Mine avec Don DiChiaro. C'est de nouveau. C'est tout frais. Juste avant notre coup de fil qui doit arriver incessamment sous peu, hein, on va s'écouter une petite nouveauté. C'est un triple album live qui va sortir. Je crois que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. C'est le groupe Alter Bridge, groupe qu'on a eu l'occasion de voir au Hellfest, si vous vous souvenez. Hein. Ils sont gentils. Le Slasher dit qu'ils sont super gentils, ben voilà. Donc ceux qui sont sympas. Et on va s'écouter The Other Side live, extrait donc de l'album. Et j'en profite pour faire un petit coucou à nos amis qui aiment bien aussi Alter Bridge. On a reçu un groupe ici qui était fort influencé Alter Bridge aussi. Et aussi à des amis qui nous écoutent. Quand ils font un barbecue, bon, à mon avis, avec le temps qu'ils font, ils ne font peut-être pas un barbecue. Ouais. Ils sont tout près d'ici, donc... Ça dépend quels amis tu parles, parce qu'il y en a, oui, ils peuvent faire un barbecue. Comme ouais, mais là, là non, dans le Nord, non, je crois pas. Dans le Nord, non, pas vraiment. Non, voilà. Enfin, allez, Alter Bridge, et après, normalement, on aura le groupe Bull Round au bout du fil. Et là, il faudrait que je coupe peut-être mon téléphone. Allez, c'est parti. Voilà, voilà, donc on va écourter un petit peu, on repartira après sur Alter Bridge. Là, on a Rémi en ligne pour le groupe Burren qu'on va écouter et qu'on va commencer l'interview d'ici quelques secondes. Hop, je me prépare. Voilà, alors bonsoir Rémi. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Voilà, donc nous sommes enchantés de t'avoir ici au bout du fil hein, pour donc cette interview pour votre EP qui s'appelle Dark Amber. Hein. Exactement, mais... Mais juste avant ça, on va un peu présenter un peu le groupe Bull Run. Vous êtes de quelle origine et de quelle région de France et tout ça? Alors, on vient tous de région parisienne, oui. Tous en Île-de-France. Mm-hmm. On est trois dans le groupe, donc il y a moi, Rémi, qui s'occupe de la basse et du chant. Mm-hmm. On a Marc à la batterie et notre guitariste qui s'appelle Gaël. D'accord. Pourquoi déjà ce nom de groupe Bull Run? Comment ça vous est venu de vous appeler les Bull Run? Pourquoi Bull Run? Ben, en fait, tout simplement, moi, je suis un grand passionné de la guerre de sécession. Oui. Et Bull Run, c'est la première bataille, justement, de ce fameux conflit qui, moi, me passionne. On trouvait que ça sonnait bien. Comme en plus, on a des influences qui sont typiquement américaines. Mmh. C'est là que ça nous est venu de là. D'accord. Donc, ce qui m'en vient à ma question, donc sur ce, on peut dire que c'est un EP quand même de 6 titres. Hein. Est-ce que donc c'est un EP qui raconte justement le fameux conflit en général ou pas du tout? Pas du tout. Non, ah. C'est complètement autre chose. On a vraiment gardé que le nom. Mmh. Et pourquoi pas, au début on avait des compos hein, qui parlaient un petit peu de ces batailles-là, puis on s'est mis à tellement composer, puis finalement sur l'EP, comme tu l'as dit, il y a 6 chansons, donc il fallait bien qu'on en choisisse un nombre réduit, et il n'y en a aucune qui parle de la guerre de sécession. Le groupe ne reprend que le nom de la bataille. D'accord. Et donc justement, de quoi parlez-vous dans vos textes, The Devil in Me, par exemple, Faster Than Light, Highway Glory, Burn? Alors c'est moi qui écris toutes les paroles. Mm-hmm. Et pour cette opé-là, moi je me suis pas vraiment mis de ligne directrice. Hein. Ça peut parler de tout et n'importe quoi. Hein. Devil in Me, ça peut être... c'est juste un mec qui pète un câble, en fait, tout simplement. Mais après, tu peux interpréter de façon différente. Tu vois, on a tous un petit peu un devil in me, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est exactement ça dont on parle la chanson. Faster Than Light, c'est plus une chanson qui va être inspirée des films de Tarantino. Je regarde beaucoup de films aussi, en plus de faire de la musique. Oui. De road trip, à la Union en Enfer, tu vois, un vol d'ailleurs, quoi. Ah oui, tout à fait. Beaucoup de flingues, beaucoup de nanas. Mm-hmm. Et puis voilà, Burn, après, c'est une chanson sur la guerre, pour le coup. Ouais. Mais forcément, la guerre de sécession, toi, ça reste assez vague, hein, tout simplement. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas considérer que c'est un EP concept, comme tu disais, parce qu'on peut sauter du coq à l'âne, on peut écouter la première, comme on peut passer à la cinquième sans problème, quoi. Exactement. Non, on ne s'est pas mis de ligne directrice pour cette EP-là. Quoi. Mmh. Et donc, vous êtes sur dans le groupe depuis combien de temps que Bull Run existe? Alors, on s'est formé en fin 2011. Oui. Fin 2011, et pendant un an, on a fait que de la compo. Parce qu'on n'avait pas vraiment envie d'arriver sur scène, tu vois, en brodant avec quelques reprises. Donc, pendant un an, on a vraiment fait que composer. Et c'est début 2013 qu'on fait nos premiers concerts sur les régions d'Orléans. D'accord. Et donc, c'est, parce que bon, là, je travaille un peu comme ça. C'est votre premier EP ou il y a d'autres titres, d'autres CD qui sont sortis avant? Non, c'est notre premier EP. D'accord. Donc, il vous a quand même fallu, donc, et c'est tout à votre mérite, hein, parce que vous êtes arrivé là sans faire de reprise, pas comme certains groupes le font. Hein. Donc, oui. C'est avec des compos. Vous avez travaillé d'arrache-pied, je suppose, pour tout cela. On a fait pas mal de compos avant d'arriver à ces 6 titres, ouais, ça c'est sûr. D'accord. Et puis, vous vous êtes dit, bah, là, ça y est, il est temps. Nous sommes assez matures pour pouvoir enregistrer un EP. Oui, exactement. Mm-hmm. Bon, on a pris le temps de chercher un style musical, hein, parce qu'en fait, Marc, Gaël et moi, on a des influences qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc tu vois, il faut toujours un petit temps d'adaptation, histoire d'avoir au moins une setlist qui soit cohérente. Oui. Parce que même au niveau du style... Mm-hmm. Et justement, donc tu parlais que vous aviez des influences différentes. Justement, toi, quelles sont tes influences en tant que chant? Et quels sont aussi les chanteurs qui t'ont inspiré? Non, bah, ça va pas être une grande surprise hein, pour moi. Hein. C'est clairement Metallica et James Hetfield. Hein. Ouais. C'est clairement un chant qui m'inspire beaucoup. Ben justement, c'est ce que j'allais te dire un petit peu quand on entend un petit peu le quand on écoute, qu'on se penche un peu sur cette EP. Et c'est même le slasher qui me le disait. On sent des influences à la Hetfield quand même, quoi. Oui, beaucoup. Oui. C'est pas le premier à nous dire. Hein. Je pense que quasiment tout le monde qui écoute l'album va trouver une petite pointe de Metallica, c'est sûr. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu entends ça, par exemple, le slasher, faut savoir que le slasher, il a que 12 ans. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, enfin, 13 ans maintenant, il vient d'avoir 13 ans. Mais bon, il a baigné dedans depuis qu'il est tout petit, donc voilà quoi. Donc, et justement, tes autres comparses, c'est quelle influence? Donc, toi, on peut dire que c'est du Metallica, des choses comme ça. Et les autres membres de groupe? Mon guitariste, justement, Gaël, c'est plutôt tout ce qui est DS, un petit peu trash, oui. Cool. Mmh. Bon, évidemment, du Metallica, mais lui, il aime bien les trucs un peu plus bourrins encore. Oui. Un peu plus bourrins. Et pour mon batteur, c'est plus des groupes à la Scorpion, par exemple. D'accord. Parmi plus récemment Volbeat. D'accord. Voilà, le temps de tous se mettre d'accord au niveau des compositions, au début, on a accouché de quelques compos un petit peu bizarres, hein, qu'on n'entendra jamais. Et justement, à mon avis, il y a des jours de répète où c'était plutôt des prises de tête. Ah non, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Ah, ou alors prise de tête dans le sens où on a mis en effet un certain temps à se décider à faire du... comment est-ce qu'on pourrait qualifier notre musique d'air? Du heavy rock. Ouais, moi je dirais du heavy rock, rock US. Hein. Bah, pour moi c'est ce que je ressens sur le EP. Donc, Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ouais, non, on est passé même par des phases un petit peu que font au début, que tu retrouves plus, enfin pour moi, aujourd'hui dans le style du groupe. D'accord. Sur ces six titres qui figurent sur le EP, quel a été le titre le plus dur à coucher, en sachant que vous avez quand même, depuis 2011, travaillé en tant que composition et pas des reprises, quoi. Ouais. La plus dure à composer ou la plus dure à enregistrer? La plus dure à composer et à enregistrer, éventuellement. Alors, la plus dure à composer, pour moi, ce serait... je pense que c'est Burn. Burn, parce que c'est un mid-tempo dont on n'avait pas forcément l'habitude de faire. En fait, on a essayé de faire une chanson un peu plus posée. Et elle a subi pas mal de changements. Hein. Même la veille de l'enregistrement, moi j'avais rechangé toutes les paroles, j'ai changé les lignes de chant. Oui. Donc c'est pas forcément en fait la plus difficile à enregistrer, mais c'est à composer. Par contre, c'est celle qui a eu le plus de mutation depuis la genèse de la chanson, ça c'est sûr. D'accord. Donc là, c'est le EP qui sort, vous allez commencer à promouvoir cet EP, je suppose. Hein. Oui. Et je suppose qu'après, il y a déjà, depuis 2011, on peut dire qu'il y a de la matière qui doit sûrement attendre sa place sur un album. Ah oui, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, on retourne en studio début 2018. Oui. Parce qu'on a déjà, en plus, on est en train de passer du temps sur notre prochaine compo. D'accord. On a en effet de la matière à enregistrer, puis on a même hâte de le faire. Parce que quand tu composes, c'est quand même le but, au bout d'un moment, de pouvoir enfin accoucher cette chanson-là et de la faire écouter aux gens ailleurs qu'en concert. Oui. On sait bien qu'en France, c'est pas évident quand même de percer. Bien sûr, maintenant, c'est pas un peu partout dans tout le monde entier. C'est de plus en plus dur à percer. Mais vous êtes en Île-de-France. Donc, est-ce que c'est pas un peu plus dur, justement, avec tous ces groupes qui émergent un peu partout, de pouvoir se faire une place un peu... Je peux dire au soleil sans pouvoir dire de gagner de la thune, mais plutôt une place au soleil en disant ouais. Je peux tourner souvent, régulièrement, sans lasser le public. Oui, bien sûr, avoir un nom qui revient souvent, ouais, c'est sûr, c'est vraiment pas évident, parce qu'on est beaucoup hein, en Île-de-France, oui. de groupes qui va du hard rock au metal, mm-hmm. démentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile de se démarquer des groupes qui nous entourent. Oui. Non, c'est sûr. Je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la scène, tout simplement. D'accord. Et donc, vous êtes plus... Est-ce que, justement, est-ce que tu peux dire plutôt que vous êtes un groupe de scène, justement? Est-ce qu'il y a des choses à voir éventuellement? Est-ce que vous avez un dynamisme incroyable sur scène, ou c'est plutôt... voilà, parce qu'il y a des groupes qui jouent super bien, mais sur scène, c'est un peu plus statique. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bah non, justement, nous, sur scène, on essaie de se démarquer encore plus en essayant de transmettre notre énergie, en essayant d'avoir un concert... Oui, c'est ça, ouais, c'est sûr, c'est la scène qui fait tout aujourd'hui, c'est sûr. Donc, le pays, il est là, ça s'appelle Dark Humber. Est-ce qu'il y a déjà un titre clip en préparation, ou il existe déjà peut-être un clip réalisé? Non, pour l'instant aucun, hein, c'est un projet. Je pense qu'on va déjà commencer par faire c'est ce qu'on appelle les lyrics vidéo. Oui. Et après, ouais, carrément, faire un clip sur une des chansons, c'est ton projet actuellement. Et tu aimerais bien le voir, justement, quel titre qui dit pour toi, qui aurait vraiment un impact sur les chaînes comme YouTube, Dailymotion ou quoi, qui aurait vraiment, qui attirerait un plus de public? Est-ce que ce serait peut-être un Burn, justement, Dark Humber, ou je sais pas? Bah, plutôt Dark Humber, moi, je dirais. Mm-hmm. Ouais, je pense qu'elle reflète bien le style de l'album. D'accord. Donc là, vous allez faire la promotion de Burn, du groupe Burn avec Dark Humber. Est-ce qu'il y a des dates prévues autres que l'Île-de-France? Est-ce que vous comptez peut-être venir nous dire bonjour à nous dans le nord de la France? Faut pas avoir peur, il ne gèle pas, il n'y a pas des loups, comme on dit dans les ch'tis. Hein. Non, c'est ravi d'arriver dans le nord de la France. Oui. Pour l'instant, on a des dates uniquement en Île-de-France. La prochaine, d'ailleurs, c'est samedi. Oui. À Paris, au Dr Philippe Wood, juste à côté des Halles. Oui. Et on en a quelques-unes qui vont montrer le bout de leur nez, mais c'est déjà en Île-de-France. C'est déjà en Île-de-France. Et je suppose que le Dr Philippe Wood, c'est pour la promotion de la sortie du EP. Exactement. Ouais. Ouais. Voilà. On peut dire que c'est un release, quoi. C'est un peu un release, oui, en effet. Ouais. Il n'y a pas eu de concert depuis la sortie de l'album, c'est vrai. D'accord. D'autres projets éventuellement? Est-ce que vous avez des side projets chacun, ou vous vous consacrez que à Bull Run? Non, on se consacre en effet qu'à Bull Run. Personne d'autre dans le groupe n'a un autre projet musical. Non. D'accord. Je vais te laisser. Comme j'avais dit, on va faire un petit quart d'heure d'interview. Hein, on a appris pas mal de choses. Moi, ce que je peux faire, je vous invite, quand l'album est sorti, de se recontacter, ou quand vous êtes de passage dans le Nord, on peut enregistrer une interview et puis le passer par après. Oui, bien sûr. Quel message as-tu envie de passer aux jeunes groupes qui veulent débuter dans la musique? Parce qu'en sachant que, voilà, par exemple, vous êtes un vieux groupe qui sort un nouvel album, on peut dire ça, un nouvel EP, parce que bon, quand je dis un vieux groupe, vous n'avez pas des cannes ni rien, les barres blanches, ça j'en sais rien, non, mais je veux dire, depuis 2011, vous êtes là, quand même, il y a un travail qui paye, parce que quand on écoute la qualité et les chansons, comment elles sont composées, c'est superbe. Qu'est-ce que tu peux conseiller, justement, aux jeunes? C'est plutôt de se lancer d'abord dans des reprises pour apprendre à se connaître, ou plutôt directement à commencer à composer? Oh, que ce soit des reprises ou des compos, peu importe, hein, le mieux à faire, c'est de bosser le plus jeune possible, justement. Moi, j'aurais adoré commencer à bosser mon instrument à 5 ou 6 ans. Et il n'y a que ça qui paye. De toute façon, c'est la seule différence pour se différencier des autres groupes, c'est énormément bosser. Je pense d'ailleurs que c'est les groupes qui bossent le plus leur style et leur technique qui arrivent à démarquer les autres, tout simplement. D'accord. Juste la dernière question que j'ai oublié de poser comme ça. L'artwork du EP est magnifique. Est-ce que tu peux toucher un petit mot de la personne qui l'a réalisé Ah oui, bien sûr. Alors, il s'appelle, son pseudo, c'est Slow Sombre Bizarre. Oui. Que tout le monde peut trouver d'ailleurs, hein, sur Google en tapant ça. Et c'est vrai qu'il nous a fait une super pochette. Hein. Super pochette. En plus, c'était son idée. Tu vois, on lui a vraiment laissé carte blanche. On lui a fait écouter nos morceaux. Et il nous a fait ce paysage un peu western, vieille Amérique. Mm-hmm. Et il a bossé notre style. Mon ouais. Batteur est juste à côté de moi. Il me fait rappeler que même le logo, c'est Slow, donc qui s'occupe de la patte graphique du groupe. Ah, moi, je vois bien aussi un logo avec un bon patch. Ce serait super bien, quoi. Moi, je donne des idées ou je donne pas comme ça. C'est une bonne idée de marche. Oui. Voilà, donc moi je vais vous laisser, je vous remercie les amis de nous avoir appelé. Donc là on a mis en place un concours hein, avec votre accord bien entendu. Combien vous voulez faire gagner des EP? 5 EP. Ok, ben je vais poser la question d'ici quelques minutes. Hein. Écoute, on va la poser ensemble, comme ça ce sera fait. Hein. Tout simplement. Pourquoi le nom du groupe Bull Run? Voilà, il nous explique pourquoi en deux, trois mots. Hein. Que signifie Bull Run? Et ils remporteront, les cinq premiers remporteront le EP. Tu es d'accord avec moi? Exactement, c'est une très bonne idée. Voilà. Eh bien, Rémi, je te remercie énormément. On te remercie au sein de l'équipe de Rives d'Enfer. Et on t'envoie donc nous le podcast et on t'envoie l'adresse pour recevoir les EP. Donc si le groupe peut les signer, ce serait super pour les auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que tu voulais choisir comme titre qu'on va vous jouer dans votre EP? Dark Ember. Dark Ember. Ouais, c'est sur Code. Ouais. Ok. Carrément. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup et voilà, on va jouer Dark Ember, donc de Bull Run. Merci les amis. Bah, écoute, c'est génial. Je te remercie, toi et toute l'équipe. Voilà. On espère vous voir bientôt par chez nous. Voilà. Ok. Exactement. Merci. Au allez, ciao. Bonne soirée. Oui. Salut. Ciao, ouais. Et ben voilà, donc c'était l'interview des Dark Ember, hein. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Voilà, on a appris des choses, donc voilà, il y aura donc des EP à gagner, 5 EP. C'est simple, la question, donc que signifie Bull Run? Vous nous répondez c'est sûr. Vous avez jusque vendredi pour nous répondre. On a toute la semaine. Toute la semaine, comme ça tout le monde peut jouer. C'est sur riffdenfer.com. rqc@gmail.com ridenfer.rqc@gmail.com. Donc que signifie Bull Run? Et vous remporterez un EP signé par le groupe. Nous on va justement s'écouter Dark Ember, titre de ce EP. We'll be right back. Voilà, les amis. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand même de Double Run? C'est génial, ça. C'est génial. Ouais. Voilà, donc je répète la question. Si vous voulez remporter cette EP, 6 titres signés par le groupe, ben, que signifie Burrun? Vous répondez sur rivedenfer.rqc@gmail.com, rivedenfer.rqc@gmail.com. Vous avez jusque vendredi. Mm-hmm. On fera un tirage au sort. J'allais essayer. Et d'ici 20 minutes, on vous dira qui a remporté le mini-album de Icarus Rising qui était en jeu la semaine dernière. Eh oui. Voilà. Alors, on retrouve la Slasher Song. Chouette. Oui. Et alors, tu nous as choisi Slasher. J'ai choisi du Deep Purple, et on va vous dire déjà pourquoi. Bah, Deep Purple, un Royaume-Uni, un excellent groupe. Hein. Il y a Dom Array, Ian Gillan, Roger Glover, Steve Morse et Ian Peace. On a eu l'occasion de les voir au Zénith de Lille. Si, un très très bon concert pour leur nouvel album. Un choix incroyable. Par contre, on voit bien que Ian est quand même fatigué. Hein. On le voit bien. On le voit bien. Ouais. Il te l'a dit en plus, il a dit non, écoute Slasher, je suis fatigué. Maintenant, il y a pas l'énergie qu'il y avait avant, mais bon, ça reste toujours du bon son. Et vraiment un clavieriste, mais majestueux quoi. Il fait des solos, tu te rappelles? Ça t'avait impressionné, je crois, quand tu les avais vus au Zénith. Ça t'avait impressionné. Moi, je les ai vus deux fois au Hellfest. Et je crois que c'est pas lui, parce qu'il y a même des gens qui étaient à côté de nous qui nous disaient. Waouh, et encore c'est pas du John Lord qui est décédé, l'ancien clavieriste. Ouais, le clavieriste. Ouais, mais j'ai vu moi. Ouais. J'ai eu la chance. T'as eu de la chance. Enfin, on a tous eu de la chance à un moment donné, mais ils finiront tous par partir malheureusement. Ah, mais c'est vrai que et tu as raconté une bêtise parce que tu l'as vu le groupe une deuxième fois. J'ai dit je l'ai vu au Hellfest et au Zénith. Hellfest, voilà. Tu t'écoutes pas, toi? Ah non, j'écoute plus. Moi, j'écoute plus rien. J'écoute plus rien. Et alors, quel titre nous a choisi, Sacha? Du Perfect Stranger, titre du même album, sorti en 1984. Précisément le 16 septembre. En plus, ça tombe bien, on est au mois de septembre, malheureusement. Donc, pourquoi j'ai voulu choisir? Parce que, excusez-moi, on se baladait sur Facebook. On a vu notre ami Philippe Letavus en train de jouer avec son groupe cover Deep Purple. On s'est dit... J'ai envie de le voir avec ce groupe, Philippe, je veux le voir. Et donc voilà, on a choisi ce titre qui est Perfect Stranger. Là, je crois que le message est passé. C'est mon titre préféré en plus. Je crois que le message est passé. Rico, si tu nous écoutes, le slasher a envie de voir Philippe Letao avec son groupe. Moi aussi, jouait ce week-end au Spirit 66. Ouais, ça, Verviers, c'est loin quand même. Hein. Bah ouais, malheureusement. C'est très loin. Je lui ai dit avec... Voilà. Voilà, allez Philou, on va essayer de faire son possible pour te voir. On t'aime tous. I love you. Voilà, mais par contre, tu nous as choisi une version spéciale. Oui, live à l'Olympia. Cocorico. Voilà, Cocorico, allez, c'est parti, je te laisse annoncer, Slasher. Donc, c'est Deep Purple avec Perfect Stranger. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Thank you. Alors Slasher, c'était qui? Deep Purple avec Perfect Stranger. Voilà. Voilà. Ouais. Bon titre, un bon choix. Ouais. Ah, t'aimes bien. Live on Olympia. Ouais. Bah, ils ont même pas pris une ride quand tu vois. Enfin, si, la vieillesse elle est là, mais je veux dire. Hein. Mais oui, non, quand je dis pris musicalement. Ouais, musicalement. Les ouais, titres n'ont pas pris une ride. Quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Avec un Steve Morse que tout le monde veut voir de près. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, nous passons à de tes choix. Alors, moi j'ai choisi un groupe Power de Suède. Alors, c'est Nocturnal Ritz. Avec le titre We Washed Away. Voilà, et ben on va s'écouter ton titre, c'est parti. Oui. Where our dues are wanting. Waouh. Ça joue bien ça. Hein. Ça joue bien. Ouais. C'est un très très bon choix. Donc c'était. Alors c'était Nocturnal Roots avec le titre We Wast Away. Waouh, et bien ou c'était. Suédois, hein. Ben, oui. En général. C'est ça ou c'est l'allemand. Ça joue très bien de ces contrées là. Le prochain, ben là c'est moi qui me suis fait plaisir quand même. Hein. L'album s'appelle toi. Will to Power. Elle est belle. C'est la Schtroumpfette bleue. Ah oui. C'est... Des fois elle est jaune. Des fois, les... oui, ça dépend qui tire la photo et où on met pour qu'on me prenne en photo avec elle. Ah oui, ben c'est Arch Enemy. L'album arrive et franchement, c'est une véritable tuerie. Ce qui veut dire album arrive veut dire tournée. Il y a déjà des dates prévues, elles sont affichées sur le site Rive d'Enfer. Voilà, mais bon, on espère qu'elles vont passer dans le nord et pas côté où il faut se taper 150 bornes. Arch Enemy, on va s'écouter The Eagles Flee Alone. C'est toujours dans le même esprit, mais ça déménage et c'est vraiment superbe. On va s'écouter le new Arch Enemy. Thank you. Voilà, c'est ça m'a fait plaisir d'entendre Arch Enemy avec The Eagles Fly Alone. Et c'est l'album Wall To Wall. Ah ouais, je me suis fait plaisir. Je me suis imaginé, tu vois, chanter en duo avec elle. Avec Spider-Man aussi. À un moment donné aussi, t'avais six yeux encore une fois. Ouais. Avec Spider-Man aussi. Non, Spider-Man, tu le laisses de côté lui. Voilà. Elle a peut-être changé de manager. Hein, j'espère. Hein, optimiste. J'espère. Oui. Alors, avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter Syrah, si tu préfères, Slasher. Mmh. Oui. Ça dit quelque chose, Tira ? Bah, il y a des membres de Amaranth, de Rhapsody, de Annihilator, enfin des ex-membres, et aussi d'In Flames. D'In Flames. Tout à fait. Et on va s'écouter le titre Karma, et après on trouvera une petite balade crapuleuse, mais vraiment, je dis vraiment crapuleuse. Et grâce à cette balade et grâce à cette connaissance, je ferai un petit coucou à notre ami Tarak. Tarak Bensassi. Tarak Bensassi. Qui est un guitariste tunisien, qui m'a fait découvrir son groupe. Et quand on aura reçu l'album, on se permettra de faire un phoneur. On ira chercher le soleil par téléphone ce groupe magnifique. Je vous en dirai quoi tout à l'heure quand vous allez entendre la balade. Là, d'abord, c'est Syrah avec Karma. Fade away, a realization we are to convey. Reach our limits and no matter the price we will go. While you're planning your own. Voilà, c'est nouveau, c'est tout frais, ça s'appelle tout simplement Syrah avec Karma. Moi, j'aime vraiment bien. Ouais, c'est bien. Ça change un petit peu de qu'on est habitué avec du In Flame, Annihilator, par exemple, en trash. Ouais. Voilà, ça change et ça montre aussi qu'on peut faire un peu de tout quand on aime un peu la zik. Il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous, Sylval et le Slasher. Et j'avais dit qu'on bien moi. C'est toi, c'est bien toi, et c'est bien lui, et oui, c'est bien nous. J'avais dit qu'on annoncerait le gagnant pour l'album de, enfin le mini EP de Icarus Rising. Il s'agit tout simplement de Monsieur Tout Partout ou Tout Par Terre. Non, c'est Jérémy, Jérémy Tout Partout. Non, oui. Jérémy qui a gagné. On a super tiré au sort. On a gagné, yes. On a tiré au sort. Hein, voilà. On a gagné au sort. On a gagné au sort et on a tiré au sort. Voilà. Par contre, pour le prochain concours, donc je rappelle. Que signifie le titre, le nom du groupe Bull Run? Vous envoyez votre réponse à rivedenfer.rqc@gmail.com, rivedenfer.rqc@gmail.com, et on tirera au sort. Là, vous serez 5 à pouvoir remporter cette EP qui est très rock'n'roll. Hein. Alors, balade, je vous ai dit une balade crapuleuse, mais quand je dis qu'elle est vraiment crapuleuse, c'est le cas. J'ai choisi la version live. C'est un groupe qui vient de Carthage. Carthage, c'est en Tunisie. Tout à fait. Le groupe, les ruines de Carthage. Bien. Le groupe s'appelle Carthagods. Ils n'ont pas tellement cherché loin. Hein. Donc j'ai fait connaissance de Tarak comme ça. Sur le net, et il m'a dit j'ai un groupe, et il m'a fait découvrir sa balade qui est monstrueuse. Il y a quand même des bons groupes du côté de la Tunisie. On a notre ami, Tunisie, nos amis, ouais. Mirat, hein. Ah ouais, ouais, Mirat sont sympas aussi. Bah, ouais. Général tunisien, c'est sympa, ouais. Oui. Et là, la balade, elle s'appelle Memory of a Never Ending Pain, et franchement, je vais vous laisser découvrir cette balade, et vous pouvez même témoigner, nous dire un peu ce que vous pensez de cette, je peux dire comme ça, cette putain de balade, parce qu'elle vous prend en trip. Thank you. Are you ready for the first part of the show? Are you ready? Okay. Voilà, j'avais dit, c'est une balade crapuleuse quand même, hein, Carthagoz. C'est superbe, c'est une version live. Ouais. Et il s'agit de Memory of Never Ending Pain. Donc, groupe qu'on aura bientôt en Fauneur aussi. Ouais, groupe tunisien. Voilà. C'est donc, super. Hein. C'est superbe. Hein. Ah, génial. Voilà. Allez, tu vas nous proposer quoi comme titre maintenant Alors, moi je vais partir carrément au nord, là où il fait froid, le Danemark. C'est le nord. En plus, Danemark, mais il y a un groupe danois qui joue samedi, je crois. Oui. Oui, Disneyland After Dark. Ouais. Et ouais. Alors moi, c'est Iron Fire, groupe danois, avec le titre Amor of the God, et c'est du power. D'accord, et bien on va aller dans le power. Avec donc Iron Fire. Voilà. Encore une fois, bah, pas mal du tout ton choix. Ouais, pas mal les Danois. Ouais. Donc Iron Fire avec le titre Hammer of the God. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi, Slasher? Moi j'aime bien, je kiffe. Ah, tu kiffes. C'est pas mal. Hein. Il kiffe. Un bon power. Bon power, bien de du Danois, j'allais dire bien de chez nous. Bah, on est un peu Danois, nous on met dans la scène métal, on est un peu danois, on est un peu finnois. On est dans le nord. On est dans le nord. On est un peu dans tout, nous. On est un peu dans tout. Rive d'enfer joue de tout. Dead Cross avec Seizure and Desist. C'est tout de suite. C'est maintenant. Voilà, c'est quand même très spécial, hein, avec ouais. Mike Patton ouais. Au chant, hein, Dead Cross, avec donc Sizer and the Desist. Très très spécial. Moi, je préfère plutôt du côté de Mike Patton pour Fantomas ou alors tout simplement. Après, vous voir les autres titres, hein, peut-être ouais. Que là, on est tombé sur. C'est le même esprit, c'est ça. Mais il a toujours fait des trucs un peu expérimentaux, à part Faith No More. Voilà quoi. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est un groupe que le Slasher aime bien. C'est Satyricon. Ah. Satyricon avec le single du nouvel album qui va arriver incessamment sous peu. Et on va s'écouter Deep Calais Upon Deep. Et après, on retrouvera une nouveauté. Et puis après, on retrouvera Ta Sylval Song. Et oui. Alors là, c'est Satyricon. We'll be right back. Alors voilà, Slasher, j'espère que tu as aimé. J'ai kiffé. T'as kiffé, hein, Satyricon avec Deep Calais About Deep. Voilà, et je crois qu'il y a aussi, il y en a d'autres qui ont... Bien aimé, oui, n'est-ce pas, nos amis. Voilà. Alors, le prochain, c'est Lengtje avec I Am The Vulture. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et après, on retrouvera la Sylvalsong. Ben voilà, et quand on a l'occasion de parler à Max Cavalera ou à Igor, ben ils vous disent qu'ils adorent ce groupe, c'est Lenche avec I Am The Vulture. Alors, il est temps de passer à la Sylvelson. Eh oui, il est l'heure. Il est l'heure. Donc moi, j'ai choisi un groupe danois aussi. Mmh, un groupe décidément. Que j'affectionne particulièrement. Et c'est Suicide Bombers. Oui. Avec le titre Suicide Idols. Voilà, Suicide Bombers reste dans les Suicide Idols. Voilà, j'en profite pour dire un petit bonjour à Damien. Mmh. Hello. Je sais qu'il m'écoute, donc voilà. Et qui te regarde peut-être. Et qui me regarde aussi. Voilà. Eh bien, je te laisse annoncer ton titre. Donc, Suicide Bombers avec Suicide Idol. C'est parti. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Et oui, ben, c'était mon petit groupe fétiche danois, donc c'était Suicide Bombers avec le titre Suicide Idol. Voilà, on poursuit cette programmation musicale. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec le Slasher et Sylvain. Et oui. Et Sylvain et le Slasher. Ah, j'en profite pour faire un petit coucou à ma famille du Maroc. Bonjour Ibrahim, je t'embrasse fort. Voilà. Hi. Et on en profite aussi, tant qu'on y est, de faire un coucou à toute notre petite famille internationale. Bah oui, parce que ma petite famille, je la vois pas tout le temps, moi. Mm-hmm. Ah ouais. Et là, une bonne nouvelle, maintenant, on est aussi écouté du côté de la Hongrie. Voilà. Ah oui, bah ça, je sais pas. Voilà. Moi non plus, mais bon, c'est bien, c'est de savoir qu'on est écouté un peu partout. Ça nous fait super plaisir. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Cloak. Ne riez pas de ce nom de groupe. Avec Beyond the Veil. C'est vraiment super bien foutu, ce titre. We'll be right back. Voilà, donc c'était Cloaque avec le titre Beyond the Veil. Le prochain, on va s'écouter un groupe allemand. C'est Alpha Tiger, un groupe qu'on a eu l'occasion de découvrir. Oui. Je ne connaissais pas du tout ce groupe. Pareil. Quand on est allé voir à Danes, Queensreich, ils faisaient la première partie. Je trouvais ça un peu bizarre parce que tu arrives en 2014. Tu vois des mecs habillés en spandex, tu vois des pantalons lignés, vraiment comme à l'époque qu'on a connu, ouais, comme à l'époque, les années 80-90. Voilà, et j'étais étonné. Et voir leur musique, c'était vraiment superbe. Et voilà, ils viennent de sortir un album. Je remercie Tonton Roger. Et on va s'écouter Comatose de Alpha Tiger. J'ai un chat ou les poils du chat. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait avec le chat ou la chatte. Non, mais je rigole. Oh, et, dis donc. Comatose avec donc Alpha Tiger. C'est vraiment pas mal du tout. Et on se retrouve tout de suite après. Ok. We'll be right back. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bah écoute, c'est génial aussi, ça. C'est bien, hein? Ouais, c'est excellent. Bien. Voilà, bah j'espère qu'ils vont tourner, parce qu'à un moment donné, ils parlaient que le groupe allait se séparer, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment un bon potentiel. Donc c'était les Alpha Tiger avec Comatose. Alors le prochain, je vais essayer de prononcer, c'est Iptaedium, avec, bon alors après le titre ça va tout seul, How a long shall in suffer here. On en profite pour faire un petit coucou du côté du trou du cul de la Somme. Ouais, voilà. À Lionel. Voilà. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à Damien, Chris Damien, Danemark, qui nous regarde. Voilà. Donc précise qui c'est, Damien, voilà, comme ça les gens. Donc Damien, c'est Suicide Bombers. Voilà, un titre que tu as passé. Voilà, ça, j'ai passé. Je lui enverrai la playlist tout voilà, à l'heure. Voilà, c'est impeccable. Et puis voilà. Hey. Voilà, les groupes, ils nous écoutent et ça nous fait encore plus plaisir. Voilà. Alors. Iptaedium, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là, c'est juste ça, c'est ça, c'est ça, c'est maintenant. Sur Rive d'Enfer. C'est maintenant, c'est maintenant. Tout de suite. Voilà, bah c'est du technique à fond, wow. du prog. Ouais. Toi, je crois que tu dois aimer les slasher, hein, ça. Je vais réécouter, réécouter. Voilà, ouais. Donc c'est Iptaedium avec How Long Shall In Suffer Here. Voilà, il est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Et oui, et après, oui, c'est, vite, ouais, c'est l'émission que vous allez retrouver. Water et tremblement. Voilà, tu l'as annoncé, une fois par mois. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Rive d'Enfer, bien entendu. Et comme d'habitude, il y aura plein de choses. Nouveautés, notamment. Nouveautés, énormément. Des jeux concours, encore. Des jeux concours. On rappelle juste le concours, justement, d'aujourd'hui, c'est... Bull Run. Que signifie Bull Run? Vous rappelez, vous envoyez à rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà, et vous n'oubliez pas que vous avez toute la semaine pour jouer. C'est bien. Donc vous pouvez nous répondre. S'il y a du monde, on fera un tirage au sort. Et puis voilà, on tient au courant. Voilà. De toute façon, voilà. Vous êtes à 5. Il y en a 5 à gagner. Donc normalement, il y a un peu de la place pour tout le monde. On a déjà des joueurs. J'ai vu sur la page qu'il y avait déjà des gens qui savaient jouer. Ah bah, c'est pas bien. De souci, continuez. Voilà, continuez comme ça. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et oui. Et voilà, et ça nous fait super plaisir de vous voir réceptif. La semaine prochaine, on aura un interview aussi, donc dans Rive d'Enfer, hein, interview phoneur du groupe qui devait nous téléphoner, si vous vous souvenez. Oui. Il y a 2 semaines. Ben, petit voilà. Incident technique, petit ça incident arrive technique. Aussi. Hein. Et voilà, donc ils seront là et on nous téléphoneront. Nous, on va se quitter avec Alatar, avec Dream Burn Down. Si vous sortez, surtout soyez couverts. Et j'espère qu'il va peu, la température va remonter. Ah bah parce si qu'il fait froid. Commence à faire froid. Mmh. Ciao, Slasher. Bonne rentrée. Bonne rentrée, Slasher. Ciao, Sylvain. Ciao, allez, Slasher. Salut. voyez les skateparks.